traîne les pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon petit cœur tout mou. Bousillé mes godasses, bousillé sur ma joue, bousillé les miettes de nous. Sur Perpignan-Roussillon. De leur soirée découverte des vins à la plage le lundi 7 août sur les terrasses de la mer à Narbonne-Plage. Les trois dégustations à 10 euros avec un verre offert. Food trucks et animations musicales agrémenteront votre soirée. Audovin à la plage, le lundi 7 août de 19h à 22h à Narbonne Plage. Venez découvrir les vins de l'Aude. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bureau Vallée à Narbonne, zone Forum Sud, spécialiste des fournitures de bureaux et fournitures scolaires. Bureau Vallée à Narbonne, le plus grand choix d'imprimantes jet d'encre et laser, cartouches d'encre et tonnerre, mais aussi fauteuils et mobilier de bureau. Bureau Vallée à Narbonne, c'est aussi une zone service pour imprimer, photocopier, relier et réaliser votre tampon sur place en moins de 10 minutes. Bureau Vallée à Narbonne, zone Forum Sud, du choix, du stock, des prix. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Bureau Vallée Narbonne prépare gratuitement vos listes scolaires. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves, à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Leclerc. Joker. Hein ? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lyon, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là ? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon ? Non mais moins 60% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker ! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Le musée du chocolat en spectacle son et lumière, unique dans la région, est ouvert chez les chocolatiers Qatars à Montredon-des-Corbières. Visitez le monde merveilleux du chocolat sur plus de 500 mètres carrés et dégustez nos grands crus de cacao. Un vrai chocolat de fabrication artisanale, pur beurre de cacao, sans huile de palme ni conservateur, préparé dans la plus pure tradition. Découvrez aussi notre large gamme de tendres caramels et nos nougats d'exception. Les chocolatiers Qatars à Montredon-des-Corbières, ouverts du lundi au samedi de 10h à midi et de 14h à 19h. Du 6 juillet au 11 août, les Lézival s'installent au square Marcelin-Albert à Lézignan-Corbière. Dernier rendez-vous ce vendredi 11 août à partir de 22h avec la soirée totalement 90. En maître de cérémonie, Charlie et Lulu mettront le feu et accueilleront sur scène La Rousseau, Bill Crawford, Alan Théo, Boris, Benny B, Yannick et Pedro Castano et Pedro Castagno. Retrouvez le programme sur notre Facebook Les Lézival ou sur le www.lézignan-corbière.com. Pour vos soirées estivales, les vignerons de la cave de Saint-Jean de Minervois vous proposent de découvrir leur gamme de muscats, mais aussi ses rosés, ses rouges et ses blancs secs, moelleux, mais aussi pétillants. Les vignerons de la cave de Saint-Jean de Minervois vous accueillent tous les jours jusqu'à 19h de Place du Muscat. Info au 04 67 38 03 24. À consommer avec modération. Pendant l'été, c'est le moment de changer votre véhicule et profiter d'offres très spéciales chez Peugeot Morel-Audoise. Des véhicules neufs ou occasion faible kilométrage, garantis révisés, disponibles immédiatement, vous attendent dans les concessions Peugeot Morel-Audoise, Narbonne et Carcassonne. Vous y trouverez notamment des Peugeot 3008 et 5008 prêts à partir à des prix imbattables. Vous aussi, vous cherchez votre nouveau véhicule ? Alors n'attendez pas et retrouvez tous nos bons plans chez Peugeot Morel-Audoise à Carcassonne ou à Narbonne ou sur notre site morelauto.fr, MAUREL-auto.fr. Pensez à covoiturer. Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Attends, je regarde tout de suite dans le roadbook. Roadbook dans l'Aude, c'est plus de 100 pages d'idées de sortie, de visites, de curiosités pour mieux vivre vos vacances. De Narbonne à Carcassonne, de Leucate à Port-la-Nouvelle, de Gruissant à Saint-Pierre-la-Mer et Vendre, faites le plein de sorties avec le roadbook. Disponible gratuitement auprès des offices de tourisme, de nos partenaires distributeurs, sur notre Facebook Roadbook, mais aussi sur le www.roadbook-aude.com. Bonnes vacances avec le guide d'Audois Tourisme et Vacances Roadbook. Venez vous perdre à Saint-André-la-Tuilerie dans nos deux labyrinthes où vous devrez résoudre des énigmes adaptées à toutes les générations. À côté de nos champs de lavande, amusez-vous en famille ou entre amis avec nos multiples jeux en bois. À la tombée du jour, venez avec votre pique-nique vivre une expérience unique dans l'Aude. 500 lanternes créent tous les soirs une ambiance féerique pour passer une soirée inoubliable. Saint-André-la-Tuilerie à 20 minutes de Carcassonne. Pour horaires et tarifs, retrouvez-nous sur notre site saintandré-latuilerie.fr. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969. Formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays. Et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault, sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Pensez à covoiturer.

Sud FM, branché sur votre région. Grand Sud FM. Grand Sud FM.

de Threads par Meta, une plateforme qui reprend les mêmes fonctionnalités que Twitter et qui compte déjà 120 millions d'utilisateurs. Et à noter que les recettes de ce combat seront reversées à des organisations venant en aide aux anciens combattants. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à retenir à la mi-journée. Très bonne journée à tous. L'espace de liberté à Narbonne vous offre la météo des plages. Les températures ont été relevées ce matin à 11h dans l'Hérault à Viasplage. 24 degrés dans l'air, 17 degrés dans l'eau, vent de secteur nord, force 1, le drapeau est vert et la mer est plate. Dans l'Aude, à Gruissant, 23 degrés dans l'air, 17 degrés dans l'eau, vent de secteur nord-ouest, force 3 à 4, le drapeau est jaune et la mer est ridée. Et puis à Leucate, 24 degrés dans l'air, 18 degrés dans l'eau, le vent de secteur nord-ouest, force 4 à 5, le drapeau est jaune et la mer est ridée. On termine avec les Pyrénées-Orientales, Saint-Cyprien, 26 degrés dans l'air, 21 degrés dans l'eau, vent de secteur nord-ouest, force 2 à 3, le drapeau est jaune et la mer est calme. Les consignes des maîtres nageurs pour aujourd'hui, en raison du fort vent de terre encore présent, vous restez bien au bord et il est interdit d'utiliser des pneumatiques. Et surtout, n'oubliez pas de surveiller vos enfants. Très bonne journée à tous. Les enfants, j'ai une super méga bonne idée. Je vous emmène à l'espace de liberté à Narbonne. Ouais ! Zoé m'a parlé du parc. Aqua Kids, on grimpe, on glisse, on s'arrose, on déclenche des jets d'eau pour se faire asperger. Trop envie! Le parc Aqua Kids de l'espace de liberté à Narbonne, c'est unique. 300 mètres carrés de jeux aquatiques en plein air pour les kids. Et pour les plus grands, le toboggan géant, le pentaglisse, les jeux gonflables, les trampolines, les grands bassins, le bowling, un espace aqua fitness et la nouvelle sensation, le water jump. Deux secteurs de plaisir indoor et outdoor pour tous. Espace de liberté du Grand Narbonne à Narbonne, plus libre la vie. Plus libre l'été. 7 jours sur 7. www.espacedeliberté.fr. Grand Sud FM. Grand Sud FM. Grand Sud FM. La vie est fragile. On danse sur un est-ce que ça vaut le coup de se relever? Si l'évidence après tout, c'est de se laisser tomber. Oui, ta différence est belle. Et la beauté s'y révèle. Je te prête le bleu du ciel, un peu de rose pour la vie. Et tu colores de pastel les étoiles gauches de nos nuits. Leurs lueurs te sont fidèles. Je le lis dans tes prunelles. Comme toi, je sais que. À mettre dans nos sillons. Quand tu dessines le bonheur, tu luttes avec tes crayons. Toutes les peintures t'émerveillent. C'est vrai qu'elles te donnent des ailes. Un jour tu dis que non pas, là tu redonnes le monde. Et quand tu souris pigas, toutes les barrières s'effondrent. Toi dont les mots me surprennent. Sais-tu ô combien je t'aime. Comme toi je sais que la vie. Sur un fil, une mer à l'air libre. On cherche un équilibre.

passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Et si vous veniez à Terra Vinea, embarquez à bord du Terra Vinea Express qui vous transportera aux portes d'une ancienne mine et plongez à 80 mètres sous terre pour découvrir en famille ou entre amis l'univers de la vigne et du vin. Terra Vinea, c'est aussi une boutique avec un grand choix de vins et produits du terroir. Profitez-en pour faire une halte gourmande dans notre restaurant qui propose des menus élaborés à partir de produits de saison. Terra Vinea à Portel des Corbières, à 10 minutes de la réserve africaine de Sigean. Plus d'infos sur notre site internet terra-vinea.com. Dans votre Intermarché de Gorissant, nous vous proposons du saumon fumé et filmé sur place. Goûtez-le, vous ne pourrez plus vous en passer. La viande maturée, c'est aussi dans votre Intermarché de Gruissant. Et pour l'accompagner, rien de tel que l'un des vins de nos 30 domaines de la Clape. Votre Intermarché de Gruissant, route de Narbonne-Plage. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert du lundi au samedi de 8h50 à 20h et le dimanche de 9h à 19h30. Vous pouvez le voir, vous pouvez y jouer et maintenant, vous pouvez le vivre. Explorateur, bienvenue à Uncharted, l'énigme de Penitence. Découvrez en juin cette nouvelle attraction inoubliable, uniquement à PortAventura World, créée pour s'en souvenir. Forfait hôtel plus entrée à partir de 89€, consultez les dates et conditions sur PortAventuraWorld.com. Découvrez l'un des plus grands marchés estivals du littoral, le marché des Embruns en Côte Indigo. Jusqu'au 3 septembre, la station de Saint-Pierre-la-Mer s'anime tous les matins et tous les soirs aux couleurs des petits chalets du boulevard des Embruns. Venez flâner parmi les 40 chalets marchands de 9h30 à 13h et de 20h à minuit. Le marché des Embruns de Saint-Pierre-la-Mer, un incontournable de l'été. Plus d'informations sur www.côte-indigo.fr ou sur l'application Côte Indigo. Au château Bel-Évêque à Gruissant, Pierre Richard vous attend au cœur des vignes blotties dans la garrigue, entre la mer et les étangs, pour vous faire découvrir la gamme de ses vins rouges, blancs et rosés. Les vins Pierre Richard, direction Route des Salins à Gruissant, ouvert tous les jours en été. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Jusqu'au mercredi 30 août, tous les mercredis et vendredis de 18h à 19h30, Pierre Richard dédicacera ses vins au domaine de l'évêque à Gruissant. Il n'y aura pas de dégustation durant les séances de dédicace. On arrive maintenant à la partie tant attendue. Sur votre droite, le drive du Burger King. Et à gauche, l'aire de jeu du Burger King. Et droit devant vous, le Burger King. Burger King Carcassonne, ZI du Pont Rouge, parking cinéma CGR, 11h minuit. Burger King Narbonne, 8 boulevard de Cressel, parking Carrefour Bonne Source, 10h, 1h du matin. Horaire d'été jusqu'au 27 août. Pour votre santé, bougez plus. Vous voulez Roche-Mazet cet été? Clairement Rosé, le rosé clair de Roche-Mazet, avec un tartare de tomate burrata. Clairement Rosé, le rosé clair pour toutes les saveurs de l'été. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Renault. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969. Formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays. Et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault, sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Si quelqu'un vous propose de Roche-Mazet, ne vous étonnez pas. Roche-Mazet, c'est savourer en toute simplicité des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple Roche-Mazet sur des tapas, Roche-Mazet en rouge sur une côte de bœuf, ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, Merlot ou encore Syrah, on peut vraiment Roche-Mazet avec toutes les saveurs. Roche-Mazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est au cœur du Sud-Ouest que nos terroirs révèlent toute leur authenticité. Entre océans et Pyrénées, au détour d'une cave d'affinage de l'emblématique jambon de Bayonne IGP, salé et affiné dans le respect de la tradition. Aux racines de cépages originels, gage d'une qualité certifiée, qui donne naissance au vin AOP Madiran et Pacherinck du Vic Bill, fruit du travail de vignerons passionnés. Le Sud-Ouest est un territoire riche de savoir-faire. L'Europe défend ses terroirs. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sud FM. Grand Sud FM. Grand Sud FM. Y'a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et y'en a qui voudraient revoir la mer, d'autres qui voudraient encore faire l'amour. Une dernière fois, toi, tu ferais quoi? Et toi, toi, tu ferais quoi? Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Si on devait mourir demain, moi je t'aimerais, moi je t'aimerais, je t'aimerais. Y'en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Oh, by your side. I never cried so much with sadness and with joy. True love, follow the flow. Roller coaster, can't catch my breath. Narbonne, c'est travaux d'été. De quoi profiter de votre temps libre pour faire avancer vos travaux sans vous ruiner. Peinture, laser, carrelage, salle de bain, matériaux, outillage, électricité, motoculture. Des offres exceptionnelles vous attendent. Sinon, vous avez aussi le droit de vous reposer avec nos offres plein air ou piscine. Cet été avec Tridom Narbonne, faites tout ce dont vous avez envie. Tridom Narbonne, centre commercial Carrefour, bonne source. Tridom Narbonne, ouvert dimanche matin de 9h à 12h45. Pendant l'été, soyez Oise, soyez Select. Avec Oise, votre espace de mode qualité masculin, féminin, 100% mode, 100% branché. Oise, les marques les plus tendances à découvrir. Hugo Boss, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, G-Star, Levis, Barbour et bien d'autres. Du mardi au samedi, zone du Pont Rouge à Carcassonne. Oise, le magasin de mode par excellence. We are Select, we are Carcassonne, we are Oise. Retrouvez-nous sur Instagram, Oise Carcassonne. À deux pas de Narbonne, J'aime les minéraux vous invite à découvrir gratuitement la plus grande exposition d'améthystes de France. Sculptures, fontaines, bijoux, fossiles, parcours lumière, projections sur l'extraction des minéraux tous les jours de 10h à 19h, ainsi que des animations. Mini-golf 18 trous, participation 5 euros et 2,50 euros pour la plage au trésor, où vos enfants pourront trouver une pépite d'or, des diamants et d'autres pierres précieuses. Buvette sur place, J'aime. Domaine de la Source, 2 km à gauche après l'abbaye de Fontfroide, RD 613. Téléphone 04 68 42 14 46. Odo Vin et les Vignerons proposent la 9e édition de leur soirée découverte des vins à la plage le lundi 7 août sur les terrasses de la mer à Narbonne-Plage. Les trois dégustations à 10 euros avec un verre offert. Food trucks et animations musicales agrémenteront votre soirée. Odo Vin à la plage le lundi 7 août de 19h à 22h à Narbonne-Plage. Venez découvrir les vins de l'Aude. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je me suis fait plaisir. Regarde le bracelet que j'ai trouvé. Waouh, trop beau! Tu l'as trouvé où? À la boutique aux bijoux de Marie, dans la galerie marchande Carrefour Narbonne. Et tu sais quoi? Ils ont un grand choix de bijoux pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Allez, j'y cours! Et tu verras, avec leurs nombreuses années d'expérience, ils sauront bien te conseiller. Aux bijoux de Marie, galerie marchande Carrefour Narbonne, entrée sud. Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 20h. Et toujours moins 30% sur tous les bijoux exposés.

Mais un président n'a été de mon sang. Il ne respecte rien, surtout pas le vivant. Jamais un président n'a été de mon sang. Ils éructent des lois, se veulent moralistes. Au nom du dollar, roi deviennent extrémistes.

serait génial que ma fille continue le basket l'année prochaine, ça lui fait tellement de bien. Bah ouais, et il y a le passeport qui fait du bien à ton budget. En plus, il n'y a rien à faire, hein. Si ta fille est bénéficiaire du passeport, tu vas recevoir automatiquement un mail du ministère des Sports avec un code. Tu donnes ce code à son club à la rentrée et hop, moins 50 euros sur inscription. Ça marche pour tous les sports. Le passeport est un dispositif ouvert aux bénéficiaires de l'ARS, de l'AEH, de l'AAH et aux étudiants boursiers de moins de 28 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr/passe-sport. Passeport, faites entrer le sport dans votre vie. Ils entrent dans une grotte incroyable à toute vitesse en quête du trésor et alors là... Mais où je peux voir ce film? Plus que d'être vu, ce film se vit. Explorateur, bienvenue à Uncharted, l'énigme de Penitence. Découvrez en juin cette nouvelle attraction inoubliable, uniquement à PortAventura World, créé pour s'en souvenir. Forfait hôtel plus entrée à partir de 89 euros. Consultez les dates et conditions sur PortAventuraWorld.com. Sur votre route des vacances, ne commettez pas d'imprudence, et pour voir arriver le danger de loin, pensez à garder vos distances, et vos vacances d'été commenceront bien. Pour que vos vacances restent une belle histoire, gardez les imprévus à distance. Respectez les distances de sécurité. Sécurité routière, vivre ensemble. Visitez Loulibo à Bise-Minervois. Le moulin de Loulibo vous invite à vivre l'aventure de l'olive et de l'huile d'olive. Nouveauté cette année, le challenge tapenade. Relevez le défi en réalisant en équipe la recette authentique de cette préparation méditerranéenne à base d'olive. Un atelier ludique à faire en famille ou entre amis. Atelier tous les mercredis et jeudis à 10h. Réservation obligatoire sur loulibo.com. Dans le magasin de vente directe, dégustez nos huiles et olives de pays et appréciez la sélection gourmande des meilleurs produits régionaux. Loulibo à Bise-Minervois, à 20 minutes de Narbonne. Harmonie à Lézignan-Corbière, c'est tout l'univers pour votre intérieur. Meubles, salons, luminaires et décorations vous attendent dans un showroom de plus de 1000 mètres carrés. Harmonie, c'est aussi la literie, avec en ce moment jusqu'à moins 40% sur les plus grandes marques comme Simons, Epeda, Bultex, Merinos, Treka. Profitez-en pour gagner en confort et réinventer vos nuits avec notre opération literie de chez Harmonie. Harmonie, depuis plus de 30 ans, votre référence meuble, literie et décoration à Lézignan Zidy-Corbière. Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne? Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure? En famille, entre amis ou en solo, pour chacune de vos envies, Petit Futé vous propose plus de 700 guides en France et partout dans le monde, avec la version numérique offerte. Retrouvez aussi tous les bons plans futés sur petitfuté.com. Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde. Le Petit Futé Haute Pays Qatar 2023, en vente partout. Cave de l'Amphore, votre caviste à Narbonne vous propose vin à la tireuse, bouteille et fontaine à vin, champagne, bordeaux, bourgogne, un grand choix de vin du Languedoc, vendu à prix propriété, alcool, liqueur et whisky. Déjà 25 ans, la cave de l'Amphore, un professionnel de la qualité, vous conseille pour vos alliances mai, vin. À l'occasion de cet anniversaire, nombreuses promotions. Retrouvez la cave de l'Amphore sur langovino.fr. Ouvert 7 jours sur 7, non-stop, de 9h à 20h. Dimanche et jours fériés, de 10h à 13h. Une seule adresse, la cave de l'Amphore, 19 avenue de Lattre de Tassigny à Narbonne, face au clos de la Lombarde. Téléphone 04 68 32 46 34. On se fait un Burger King? Je te rappelle que je mange plus trop de viande, moi. Bah super, tu vas pouvoir découvrir leur burger iconique en version veggie. Et ouais, et c'est moi qui conduis. Découvrez les burgers iconiques Burger King revisités en version veggie. Les mêmes plaisirs, les mêmes sensations, sans viande. Osez les veggies iconiques dans vos Burger King Carcassonne. ZI du Pont Rouge, parking cinéma CGR, 11h minuit. Burger King Narbonne, 8 boulevard de Cressel, parking Carrefour Bonne Source, 10h-1h du matin. Horaire d'été jusqu'au 27 août. Burger King, veggie égale végétarien pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Joker. Hein? Les barres de céréales Nestlé, là. C'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lyon, Golden Grahams, Nesquik, Fitness Chocolat. Ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon? Non mais moins 60% sur la deuxième. Me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Tu sais qu'on peut recevoir une prime juste en covoiturant? Quoi? Mais non. Mais si, je t'assure. 100 euros de prime covoiturage. En profitant des trajets vacances pour devenir conducteur sur Blablacar, on peut y avoir droit. Et tu me dis ça que maintenant? Bah ouais. Mieux vaut tard que jamais. Cet été, covoiturez 3 fois comme conducteur avec Blablacar et recevez la prime covoiturage de 100 euros. Téléchargez l'appli. Blablacar, Blablacar. La prime covoiturage est soutenue par le gouvernement. Pour en bénéficier, voir conditions sur blablacar.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron? Ah là, j'ai pas le moral. T'as pas la pêche? Eh ben non, parce que si chez Lidl, ils ont les pêches. En ce moment, le kilo de pêche est à 2,29€. Des pêches à 2,29€ le kilo? Eh oui, et là, il faut que je me dépêche d'en acheter. Oh, bah dépêche pas de rentrer, oui. Oh, je me dépêche.

vu des vertes et des tordus. Elle s'est débattue, fait comme elle a pu. Elle s'est tellement battue. C'est une femme, une femme. Elle est étendue, la lèvre fendue. Des pluies de coups perdus lui sont tombées dessus. Elle s'est recousue, fait comme elle a pu. Quand la mort est venue, c'est une femme. Une femme abattue. Il est 14h et vous écoutez Grand Sud FM. Excellent après-midi à vous toutes, à vous tous. À suivre les infos et la météo des plages, c'est important. Et pour la musique, je vous passerai Emmanuel Moir. Grand Sud FM. Le journal vous est offert par l'Espace de Liberté du Grand Narbonne, votre complexe de sport et loisirs à Narbonne. Bonjour, elle aurait été séquestrée pendant 12 ans. Une Allemande de 53 ans a été découverte par la police dans le village de Forbach en Moselle. C'est elle qui a prévenu les secours. Elle a été retrouvée enfermée dans sa chambre. Cette femme affirme avoir été torturée depuis 2011 par son mari qui la retenait prisonnière. L'homme de nationalité allemande âgé de 55 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il était jusqu'ici inconnu de la justice. Une enquête en flagrance a été ouverte pour séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie. Émotion toujours très forte au Cap d'Agde. Un accident de manège a fait un mort, un adolescent de 17 ans et une blessée grave ce week-end au Luna Park. Le drame s'est produit sur une balançoire géante dotée d'un élastique. Le garçon qui est décédé a violemment heurté l'un des poteaux de la structure. Le vent pourrait être en cause. Une enquête est en cours. Un homme de 27 ans placé en garde à vue après la découverte hier de deux corps dans un gîte. C'était à Châtonnet en Isère. Les victimes qui seraient de nationalité turque, selon la procureure de la République de Vienne, présentaient des plaies par balles. La piste du règlement de compte est privilégiée pour le moment. L'enquête ouverte pour homicide volontaire a d'ailleurs été requalifiée en assassinat. Dans le reste de l'actualité, le Mali et le Burkina Faso solidaires des putschistes au Niger. Les deux pays viennent en effet d'envoyer une délégation commune à Niamey, la capitale. Pendant ce temps, l'espace aérien du pays a été fermé par les auteurs du coup d'État du 26 juillet. Ils craignent une opération militaire menée par la CDAO alors que l'ultimatum lancé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a pris fin à minuit. Et puis un mot de foot avec Marseille qui connaît son potentiel adversaire en barrage de la Ligue des Champions. L'OM pourrait en effet retrouver les Portugais de Braga ou encore les Serbes du BAK Topola. Mais avant ça, eh bien les Olympiens devront passer le troisième tour préliminaire. Match aller prévu mercredi en Grèce face au Panathinaikos. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. L'actualité régionale de Grand Sud FM à la mi-journée. Tout d'abord à Narbonne-Plage, le dispositif Handi-Plage était accessible au poste numéro 4 face à la place des 40 jusqu'au 31 août. Narbonne-Plage est d'ailleurs la seule station labellisée 4 bouées en Occitanie, soit la plus haute distinction. Port-la-Nouvelle compte par exemple une bouée et Argelès-sur-Mer avec sa plage des Pins en compte deux. Julien Calmont, conseiller municipal délégué à la mission handicap pour la ville de Narbonne, nous explique le dispositif. Alors le Handi-Plage, dans sa globalité,

là où je pars. Là où je pars, c'était Emmanuel Moire sur Grand Sud FM. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Ravi de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Michel et je vous accompagne jusqu'à 16h. Dans un instant, il y aura le groupe Blues Trottoir avec Un soir de pluie. Tout de suite, on écoute une nouveauté. Il s'agit d'Ella avec L'angle mort. Ça y est, j'ouvre les yeux. Vas-y, fais-toi un café. Y'a pas la place pour deux dans mon 20 mètres carrés. Mais avec toi ça semble grand, c'est différent, c'est différent. Les murs deviennent des océans, c'est différent. On tourne en main, je peux faire dormir seul. Mais je me lasse pas de ma tête à gueule. Dis-moi c'est quoi la potion, j'ai pas payé l'addition. C'est quelle magie là qui opère. Hier je criais au fort que je voulais plus d'angle mort, qu'il laisserait un nouveau repère. À l'amour, à l'amour, à l'amour. Tu vas bien dans le décor, comme si tu y avais toujours été. Ça va me causer du tort. Laisse t'installer. Mais avec toi c'est pas trop chiant. T'es différent, t'es différent. Les vides deviennent des sentiments. T'es différent. En temps normal je préfère rider seul. Mais je me lasse pas de ma tête à gueule. Dis-moi c'est quoi la potion. J'ai pas payé l'addition. C'est quelle magie là qui opère. Hier je criais au fort que je voulais plus d'angle mort. Qu'il laisserait un nouveau repère. À l'amour, à l'amour, à l'amour. T'es le premier à prendre les clés. J'avais juré plus jamais. Mais je veux bien essayer. Essayer. L'eau va bimer. soir de pluie, c'était Blues Trottoir sur Grand Sud FM. Bon après-midi, on va faire une courte pause et dans un instant, Charles Aznavour nous parlera d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître avec la bohème. Restez avec nous. Grand Sud FM, Grand Sud FM, Grand Sud, Grand Sud FM. Votre Intermarché Gruissant, c'est le partenaire des producteurs locaux. Intermarché Gruissant a fait le choix de faire vivre sa région. Venez choisir et déguster le sel et la bière de Gruissant, les fruits du Narbonnais et les vins des 30 domaines de la Clape présents dans notre magasin. Les produits locaux, c'est à l'Intermarché de Gruissant, route de Narbonne-Plage. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert du lundi au samedi de 8h50 à 20h et le dimanche de 9h à 19h30. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Le cidre de France, avec Thierry Marx. L'été, c'est la saison des planchas, des barbecues. Prenez une belle tranche de merlu, une côtelette. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif. Ça, ça se savoure. Le cidre de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bureau Vallée à Narbonne, zone Forum Sud, spécialiste des fournitures de bureaux et fournitures scolaires. Bureau Vallée à Narbonne, le plus grand choix d'imprimantes jet d'encre et laser, cartouches d'encre et tonnerre, mais aussi fauteuils et mobilier de bureau. Bureau Vallée à Narbonne, c'est aussi une zone service pour imprimer, photocopier, relier et réaliser votre tampon sur place en moins de 10 minutes. Bureau Vallée à Narbonne, zone Forum Sud, du choix, du stock, des prix. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Bureau Vallée Narbonne prépare gratuitement vos listes scolaires. Amateurs de bon vin et de grand air, ne manquez pas le rendez-vous estival des épicuriens, les Lundis des Vins à Saint-Pierre-la-Mer. Tous les lundis soirs jusqu'au 21 août, dans un grand zat face à la mer, dégustez de délicieux accords mets et vins proposés par les vignerons et restaurateurs locaux. Une ambiance conviviale et un cadre idyllique sur la promenade de la mairie annexe. Attention, les premiers arrivés seront les premiers servis. Informations sur www.cote-indigo.fr et sur l'application Côte Indigo. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Du 6 juillet au 11 août, les Lézivals s'installent au square Marcelin-Albert à Lézignan-Corbière. Dernier rendez-vous ce vendredi 11 août à partir de 22h avec la soirée totalement 90. En maître de cérémonie, Charlie et Lulu mettront le feu et accueilleront sur scène La Rousseau, Bill Crawford, Alan Théo, Boris, Benny B, Yannick et Pedro Castano. Retrouvez le programme sur notre Facebook Les Lézivals ou sur le www.lézignan-corbière.com. Dis-moi, on pourrait changer notre véhicule ? C'est ce que je suis en train de faire. Je consulte les occasions de Peugeot Morel sur le site morelauto.fr. Morelauto.fr ? Mais oui, regarde, toutes les occasions de Peugeot Morel sont sur morelauto.fr. Des véhicules d'occasion garantis, toutes marques, en stock, pour tous les budgets et prêtes à partir. Vous aussi, vous cherchez votre nouveau véhicule ? Alors retrouvez-nous en concession chez Peugeot Morel Audoise, à Carcassonne et à Narbonne, ou à tout moment sur morelauto.fr. MAUREL-auto.fr. Les vins du domaine de Langroche, Pays d'Oc et AOC Corbière. Rouge, blanc ou rosé se dégustent en toute occasion. Le domaine de Langroche, l'excellence en Languedoc. Un des domaines les plus médaillés de la région. Mondial du rosé, Chardonnay et Syrah du monde, guide achète. Sans oublier l'interdit, meilleure note de